Chapitre 32e. Après que Slatostrobert fut parti, Madame Denis s'affaissa. Elle était écrasée par les coups qui venaient de s'abattre sur elle, frappant sans relâche, sans pitié, sans lui laisser le temps de respirer. Les murs dansaient autour d'elle. Il lui semblait que le plafond s'abaissait sur sa tête et que le parquet se soulevait sous ses pieds. Peu à peu, elle parvint à ressaisir sa volonté et à se reconnaître. La lumière qu'elle porta alors dans sa situation lui en fit sonder l'horreur dans toute son étendue. Elle était perdue, sans secours possible, puisqu'elle était à ses propres yeux. Se défendre contre M. Azimbert, à quoi bon? Contre Saint-Austrebert, dans quel but? Elle ne pouvait pas se défendre contre elle-même. Elle se leva, et allant s'appuyer sur la tablette de la cheminée, elle se regarda longuement dans la glace, comme elle était pâle. De sa main tremblante, elle lissa ses cheveux sur son front, puis, ayant baissé sa voilette, qui lui cacha le visage jusqu'aux lèvres, elle sortit. Un valet était assis dans le vestibule. « Savez-vous à quelle heure monsieur doit rentrer ? » dit-elle. « À 6 heures. »« Et quelle heure est-il maintenant ? » 3 heures et demie. » Elle descendit l'avenue de Messine. Elle marchait comme si elle avait été enveloppée d'un épais brouillard, ne voyant rien, ni les maisons, ni les voitures, ni les passants. Arrivée sur le boulevard Malesherbes, elle releva sa voilette et se mit à regarder autour d'elle en s'efforçant de surmonter son trouble. Mais ne trouvant pas ce qu'elle cherchait, elle arrêta un sergent de ville. « Voulez-vous avoir la complaisance de m'indiquer un pharmacien, dit-elle, au coin de la première rue à droite ?» En voyant entrer chez lui une femme élégamment vêtue, le pharmacien vint au-devant d'elle en soulevant sa toque de velours bleu. « Je voudrais une fiole de laudanum, dit-elle. « Vous avez une ordonnance de votre médecin ?»« Non. » « Mais c'est inutile, je sais la quantité qui m'est nécessaire. »« Désolé, » dit le pharmacien en se décoiffant tout à fait et en tournant sa toque entre ses mains. « Mais nous ne pouvons donner du laudanum sans ordonnance. Madame doit savoir que cela nous est interdit. »« Je ne puis avoir d'ordonnance de mon médecin à 7 heures. Dois-je attendre jusqu'à demain ?»« Puis-je demander à quel usage vous voulez employer ce laudanum ?»« C'est pour des douleurs de dents. »« Odontalgie nerveuse alors, car madame a des dents magnifiques. »« Oui, c'est cela. » En friction sur la partie douloureuse sans doute, oui. Alors une petite quantité suffit. Il alla vers son élève et lui dit quelques mots. Bientôt celui-ci tendit à Madame Denis une petite fiole dans laquelle il avait versé 8 ou 10 gouttes à peine de laudanum sur laquelle il n'avait pas collé d'étiquette. « La quantité que vous avez là, dit le pharmacien, ne peut pas causer d'accident. Cependant, je suis en contravention avec la loi. » Car enfin, en allant chez plusieurs pharmaciens et en réunissant ainsi beaucoup de petites quantités, on finirait par en faire une grande. Et enchanté de cette malice naïve, il frisa ses 2 longues mèches de cheveux qui, prises derrière son crâne dénudé, se rejoignaient sur son front. Madame Denis continua à descendre le boulevard. En marchant, elle serrait convulsivement dans la poche de sa robe la fiole qu'elle lui donnait la délivrance. En même temps, elle examinait les magasins devant lesquels elle passait. Elle ne tarda pas à trouver un nouveau pharmacien et elle entra. À sa demande, ce second pharmacien fit la réponse qu'avait faite le premier. On ne donnait pas de laudanum sans ordonnance. Une petite quantité, quelques gouttes seulement. Ni grande ni petite quantité, la loi est formelle, je me conforme à la loi. Puis levant les yeux sur Madame Denis et la regardant à travers sa voilette, « Si je devais y manquer, ajouta-t-il, ce ne serait pas pour une personne que je verrais dans un tel état de surexcitation nerveuse. » Elle sortit. Où aller? Elle resta un moment indécise sur le trottoir. Un engourdissement l'avait anéantie. Elle ne savait plus. Son plan si difficultueusement ébauché menait de s'écrouler. Que faire? Où aller? Ses yeux furent attirés par un cocher qui, s'étant arrêté devant elle, lui faisait des offres de service. Une idée lui traversa l'esprit. Elle monta en voiture. « Au grand hôtel, » dit-elle. La cour de l'hôtel était comme à l'ordinaire pleine de monde. Il y avait foule, surtout au café, dont les tables avaient été avancées jusque devant le perron. En toute autre circonstance, elle eût tremblé d'affronter les regards de ces curieux, qui, le cigare à la bouche et le lorgnon dans l'œil, dévisagent les femmes obligées de traverser la cour. Elle eût cru qu'on lirait dans ses yeux, ou qu'on devinerait dans sa démarche le numéro de la chambre qu'elle cherchait. Mais elle avait l'esprit ailleurs qu'à ses timidités, et elle passa la tête haute, marchant vite, ne voyant personne. Dans l'escalier, cependant, elle fut obligée de s'arrêter. Le cœur lui manquait, la honte et l'émotion l'étouffaient. À la pensée qu'elle allait revoir celui qui l'avait perdue, elle se sentait défaillir. lui qu'elle avait tant aimé. Elle réagit contre ce trouble et ses souvenirs. La volonté lui rendit des forces. Elle continua de monter. Un domestique qu'elle rencontra sur le palier lui indiqua le corridor qu'elle devait suivre, car elle était incapable de se diriger elle-même ou de se rappeler les indications qui lui avaient été données. Que lui importait d'ailleurs de dire où elle allait? Que lui importait la curiosité de ceux qui la regardaient passer? C'était le sentiment de la conservation et le ménagement du lendemain qui font la peur. Elle n'avait plus rien à conserver, ni son honneur, ni sa vie. Elle n'avait pas de lendemain. Elle passa devant une chambre où se tenaient les domestiques chargés du service de cette partie de l'hôtel. Ils la regardèrent curieusement, et quand elle se fut éloignée de quelques pas, elle entendit une femme de chambre qui disait à une de ses camarades « En voilà une qui a joliment l'air de chercher son amant. » Son amant, oui, c'était son amant qu'elle cherchait. C'était un rendez-vous qu'elle allait. Tout le monde savait donc maintenant qu'elle avait un amant. Tout le monde connaissait son secret horrible. Saint-Austreberte, M. Azimbert, Marthe, qu'en avait les preuves. Ces femmes de chambre qui le devinaient rien qu'à la voir passer. Cela était écrit sur son visage. Elle portait un écriteau sur lequel on lisait sa honte, comme ces malheureuses qu'on promenait nues par les rues, sur un âne, au Moyen-Âge. Elle n'eut pas besoin de frapper à la porte du numéro 33. Lorsqu'elle arriva devant ce numéro, la porte s'ouvrit d'elle-même, tirée de l'intérieur par une main invisible. Elle s'arrêta un moment, indécise, puis elle entra résolument. C'était M. de Mériol qui, guettant son arrivée, avait ouvert la porte lorsqu'il avait entendu le bruissement de sa robe et le craquement de ses bottines. Au lieu de se tourner vers elle et de la suivre, il resta occupé à fermer soigneusement la porte à clé et au verrou. Alors seulement qu'il eut pris cette précaution contre la curiosité d'un domestique ou l'erreur d'un voyageur, les seules choses qu'il craignit, il se retourna et se dirigea vers elle, les bras ouverts, souriant. « Comme tu viens tard, » dit-il, « je désespérais presque de te voir arriver. » Il avait fait toilette pour la recevoir, une toilette négligée, veston bleu brodé d'or et des pantoufles vernies brillantes comme un miroir. Dans le vase posé sur la table s'épanouissait un gros bouquet de roses dont le parfum, se mêlant à l'odeur des cosmétiques, avait formé une atmosphère qui portait à la tête. Les rideaux des fenêtres avaient été hermétiquement clos et la chambre se trouvait plongée dans une sorte d'obscurité. Madame Denis s'était appuyée contre le marbre de la cheminée et elle restait là, haletante, sa voilette toujours abaissée sur son visage. « Comme tu trembles !» dit M. de Mériol en s'approchant d'elle. « Pourquoi cette émotion? Tu n'as rien à craindre, la porte est bien fermée. » Il ouvrit les bras pour l'enlacer, mais de la main, sans la toucher, elle l'arrêta devant elle. « Ne m'approchez pas » dit-elle. « Es-tu folle? Je t'assure qu'il n'y a aucun danger, nous n'avons jamais été aussi bien en sûreté que dans cette chambre. » Restant sa main toujours tendue, elle quitta la cheminée et se dirigea vers la fenêtre. Elle tâtonna un moment dans la draperie, puis enfin trouvé le cordon de tirage, elle ouvrit en grand les rideaux. « C'était pour toi, » dit-il, « car pour moi j'aime bien mieux la lumière. » Elle se retourna vers lui, alors il vit son visage éclairé, et il recula épouvanté. « Qu'as-tu ? » dit-il, « que se passe-t-il ? Tu me fais peur, as-tu rencontré quelqu'un ?» Elle releva son voile sans répondre et le regarda longuement. Il n'osa plus l'interroger et resta interdit sous ce regard qui le glaçait. Était-elle folle ? Pourquoi paraissait-elle vouloir plonger dans son âme et fouiller sa conscience ? Enfin, elle détourna les yeux et, ayant tiré de sa poche un papier froissé, elle le lui tendit. « Lisez cela !» Au premier coup d'œil, il reconnut la lettre photographique qu'il avait vue entre les mains de Saint-Austreberte. « C'est donc cela, » dit-il d'une voix sourde en baissant la tête, « le misérable, il vous a montré cette lettre. »« Qui est le misérable ? Il faut que je vous explique, » s'écria-t-il. « Si vous saviez, vous l'avez vendu. Vous m'avez vendu pour une somme d'argent. » « Cela n'est pas vrai. J'étais trompé par lui. Il m'a arraché cette lettre d'une façon lâche. »« Qui est le lâche ? Écoutez-moi, Éléonore, ne prononcez pas mon nom. »« Ne me condamnez pas sans m'entendre. J'étais victime d'une infâme machination. »« Que m'importe votre justification ? » dit-elle avec un suprême dédain. « Croyez-vous que je sois venu ici pour entendre votre plaidoyer et vous demander des preuves de votre innocence ? » ?»« Je suis venu pour vous dire que vous m'avez tué. » et pour faire de ma main cette blessure à votre conscience, si vous avez une conscience. Écoutez-moi au moins, écoutez-moi. Votre voix m'a fait horreur. » Elle se dirigea vers la porte. Il voulut la retenir. D'un geste, elle le cloua sur le parquet. « Ouvrez cette porte !» dit-elle. Il voulut obéir, mais il fut longtemps avant de pouvoir jouer à la serrure. Alors il revint vers elle. Elle passa devant lui, la tête haute, les yeux baissés. Il tendit vers elle ses mains suppliantes. Elle ne se détourna point et continua de marcher d'un mouvement automatique. Cependant, arrivée à la porte, elle s'arrêta et revint sur ses pas. « Vous ne partirez pas ainsi !» s'écria-t-il. « Vous m'écouterez !» Mais il se trompait. Elle ne revenait pas à l'écouter. Elle prit la lettre qui était restée sur la table, et ayant allumé une allumette, elle brûla ce terrible morceau de papier qui tomba sur le tapis. « Voilà ce que vous avez fait de ma vie » dit-elle. « Éléonore !» Elle lui tourna le dos et sortit sans qu'il osât la retenir.